Des soirs, trop lourds de pourpre, où sa fierté soupire, les portraits de Vandyck, aux beaux doigts longs et purs, pâles en velours noir, sur leurs vieillis des murs, en leurs grands airs défunts, la font rêver d'empire. Les vieux mirages d'or ont dissipé son deuil, et dans les visions où son ennui s'échappe, soudain, gloire ou soleil, un rayon qui la frappe allume en elle tous les rubis de l'orgueil. Mais d'un sourire triste, elle apaise ses fièvres, et, redoutant la foule tumulte de fer, elle écoute la vie, au loin, comme la mer, et le secret se fait plus profond sur ses lèvres. Rien n'émeut d'un frisson l'eau pâle de ses yeux, où s'est assis l'esprit voilé des villes mortes, et par les salles, où sans bruit tournent les portes, elle va, s'enchantant de mots mystérieux. L'eau veine des jets d'eau, là-bas, tombe en cascade, et, pâle à la croisée, une tulipe au doigt, elle est là, reflétée au miroir d'autrefois, ainsi qu'une galère oubliant la rade. Mon âme est une infante en robe de parade.